Depuis combien de temps travaillez-vous dans le quartier ? Alors, dans ce quartier-là, ça va faire 5 ans. D'accord. Depuis combien de temps habitez-vous ici ? J'habite à Tourcoing. Est-ce que cet endroit était agréable avant la construction du collège ? C'est peut-être un peu plus propre parce que l'allée près du collège a été refaite. Et vous préférez avant ou maintenant ? Maintenant. D'accord. Est-ce que vous aurez aimé avoir quelque chose d'autre que le collège ? Non, parce qu'un collège, c'est important pour les élèves. Merci. Qu'avez-vous pensé de l'arrivée du collège près de l'endroit où vous travaillez ? J'ai pensé que c'était un plus bel environnement que votre ancien collège. Qu'est-ce que cette construction a changé pour vous en négatif et en positif ? En positif, l'environnement est plus joli parce qu'avant c'était un terrain vague. En négatif, absolument rien parce que quand on passe près du collège, on trouve jamais de grosses saletés. Est-ce que votre point de vue sur les collégiens a changé ? Non, j'ai toujours eu... Non, le collégien ne me dérange pas. Est-ce que pour vous, la construction du collège, elle est bien pour ce quartier ? Ah bah oui, ça amène de la jeunesse et puis ça amène, une construction plus moderne. Les jeunes, ils vous dérangent pas trop ? Jamais. Ok. Jamais. Que faudrait-il améliorer dans ce quartier ? Il faudrait ajouter peut-être des caméras de surveillance. Oui, c'est vrai. Ben, vu mon métier, pour essayer d'avoir moins d'incivilité, parce qu'on retrouve énormément de débris dans le canal. Des chaises, des tables, des salons, des canettes, des peaux de mouton, un peu de tout. Et c'est un énorme travail de les enlever ? Comment vous procédez ? Alors on procède avec une perche et quand c'est des objets trop lourds, on a des grappins et des crochets qu'on adapte au bout de nos perches ou alors on sort un zodiac, on le fait en zodiac. Monsieur, est-ce que ça vous gêne que tout le monde jette leurs objets dans le canal ? Ah ben oui, parce que c'est pas très propre. Il faudrait peut-être rajouter des poubelles. Quel est l'objet le plus bizarre que vous ayez sorti du canal ? Le plus bizarre ? En 5 ans, j'en ai tellement sorti. Le plus bizarre, à part les accessoires de voiture qu'on a souvent, c'est tout un matériel de... pour bébé, lando, changer les couches et tout ça. C'est très dur à sortir parce que c'est plein d'eau. Tabac passé, frigidaire. Et en 5 ans que vous travaillez ici, vous l'avez vu changer ce quartier ? Depuis qu'il y a le nouveau Aldi et le collège, oui, c'est quand même plus agréable. Est-ce que vous trouvez que cette rue elle est plus belle qu'avant ? Ouais. Enfin la rue, l'environnement du collège.